dans son passé. Tous ces beaux jours, le soleil ne brillait pas comme aujourd'hui. Où donc sont passés tous ces moments où l'on vivait sans soucier du temps? Change bien des choses. Le temps change bien des gens. Nous ne vivrons plus comme avant. ils passaient dans la nuit du midi. Après l'orage de pluie d'acier, lorsque nous aperçus devant la glace. Ses contractions se firent entendre par un mur de son aux couleurs de pollution qui nous donna le feu de l'action. Il était magicien. Cette fête au village. d'accueillir le Seigneur. Et la morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut point faire de polémique. Oh, boy, baby, baby. tour du prince pour l'amener. S'en vont sous les prés en emportant le prince et les fées. Le ciel était en fête, il était roi et maître, il avait découvert qu'il était apprécié. Souvenez-vous. Pas trop longue, juste assez pour changer.